papa, tu vois les smic qui a win. Papa, papa, faut faire des love, ah oui. Papa, papa. La la la. tout le monde à terre. Sauve le plat, le dessert. Tu me dis tout le temps, mon frère. Mais dis-moi à quoi tu me sers. N'aie pas écouté maman, la raison. Les vrais, les faux, les trahisons, les déceptions. Tu dans mon coin tout seul. Oh là là. Tranquille ou plus personne. Dans les bras, elle me